Bonjour, je suis Chloé, de la radio des bons cons. Quand je ne sais pas quoi faire, quand je m'ennuie pendant le confinement, j'écoute la radio des bons cons. La radio des bons cons, numéro 1 sur le hit. Je suis François, et la première fois que tu m'as entendu, c'était sur Radio Bon Con. 3, 2, 1, bon anniversaire! Alors, toute l'équipe de Radio Bon Con vous souhaite un joyeux anniversaire, Chloé et Bobo. Bon, vous, vu que vous arrivez un petit peu à la fin du confinement, on a rien prévu pour votre anniversaire. Du coup, on m'a nommée pour faire un message d'anniversaire, donc le voilà. Il y a quand même deux personnes qui ont envoyé des messages. Alors ça tombe bien parce qu'il y a un message pour Bobo et un message pour Chloé. Donc c'est chouette, hein, vous avez des petits messages pour votre anniversaire. Alors je vous laisse les écouter. Je souhaite un très bon anniversaire à Christine Bravo, Nikos Aliagas et Feu Grégory Lemarchal. Ah, et à toi Chloé aussi. Bisous. Mon très cher François, Nous ne partageons pas seulement une amitié, non. Nous partageons également une passion commune pour l'histoire. Et nous partageons également un anniversaire. Cet anniversaire, c'est le 13 mai. Cet anniversaire, évidemment, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir, puisqu'il y a d'autres personnes extraordinaires qui l'ont. Je ne citerai que Christine Bravo, Robert Pattinson, Nikos Aliagas ou encore Grégory Lemarchal. Anyway, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Les meilleurs sont les taureaux. Les meilleurs sont ceux qui sont nés le 13 mai. Je vous embrasse. Voilà, du coup, restez entre vous. Et puis, passez une bonne journée. Radio Bon Con vous invite à fêter l'anniversaire de François Bourré et de Chloé Soulard. Cet anniversaire sera le dernier anniversaire sur Radio Bon Con. Yes! Salut Boré, c'est le Chevrel. Eh ben, bon anniversaire et change rien, reste comme t'es. C'est incroyable. Allez, bise. Salut Boré, c'est Malonia. Riri se joint à moi pour te souhaiter un très joyeux anniversaire. Profite bien de ta journée, n'abuse surtout pas trop du vin et fais un gros bisou à ta zouze. Allez, à bientôt, ciao. Bonjour François, bon anniversaire François. Ça y est, le petit garçon devient un grand garçon en somme. Bonsoir et bienvenue à tous dans Cassos Radio, la radio pour François Bourré. Et on a un message spécial qui vient de Dimitri Bousseau. À toi Dimitri. Salut François, c'est Dimitri. Et je te souhaite un joyeux anniversaire. Profite bien de ta soirée, remercie bien ta copine pour tout ce qu'elle a fait. Et à bientôt mec, profite bien. Bisous. Salut Bobo. Ou plutôt devrais-je dire Hob Hob. Ou même, roue Patrice, Askip, aujourd'hui c'est ton anniversaire, alors très joyeux anniversaire, j'espère que celui-ci sera placé sous le signe de belle marinière, à bientôt. Gros bisous. Coucou François, ça y est, c'est le grand jour, bon tu nous as reconnus, c'est papa et maman, on fait de gros bisous à notre petite mousse, vive tes 26 ans, à samedi. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je voulais laisser un petit message à mes deux amis et comparses passionnés d'histoire comme moi, Chloé Soulard et François Bourré. Voilà, je vous souhaite un merveilleux anniversaire et puissiez-vous un jour régner sur la France, peut-être, je ne sais pas. Enfin oui, non, ce n'est pas possible, vous êtes des ploucs. Mais enfin, allez, gros bisous. Eh, salut Hob Hob. Joyeux anniversaire Hob Hob. À bientôt Hob Hob. Hob Hob. Oh Joyeux anniversaire, François Bourré. J'espère que tu viendras avec nous le 24 octobre. Va bien te faire enculer, Patrice. Salut, mon bobo. Alors, au début, j'ai voulu faire un truc hyper long pour ton anniversaire. Puis, je t'avoue, j'ai eu un petit peu la flemme. Puis, finalement, je me suis dit que la flemme, c'est un moyen assez sympa pour te rendre hommage. Du coup, j'aimerais, si tu le veux bien, que l'on se serre la main dans mon colon pour fêter ton anniversaire. Je t'embrasse et je t'aime, Loyo. Salut, bobo. Il paraît que tu es taureau. Alors, Feliz Navidad, ce qui en italien veut dire « joyeux anniversaire ». Je profite de ce temps d'antenne pour te dire que tu es un grand monsieur et que tu marqueras l'histoire. Mais n'oublie pas, « in vino veritas et primum vivere dende philosophare ». Voilà, de l'amour en masse pour vous, jeune éphèbe. Les bisous. Salut bobo, c'est Julien. Je te souhaite un très bon anniversaire et surtout, prends soin de ton basilic. Bisous. Feliz Navidad! Hop, hop! C'est parti? Là, c'est parti, là. Dédicace spéciale pour François, c'est ton anniversaire! Joyeux anniversaire! Bobani, beb, terre bobo, bibou! Salut François! Alors, comme ça, on s'est mis à faire une radio pendant le confinement? Putain, quand je t'ai connu, tu savais pas ouvrir un fichier Word, là, tu tiens carrément une radio. J'espère que tout va bien pour toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. Je pense que le confinement a pas dû arranger ton physique, mais bon, j'espère quand même te revoir rapidement. Et puis bon anniversaire, chouchou, je t'embrasse. Et Bordeaux-Lex aussi, te fais un bisou. Bon anniversaire, bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Bisous et croix gamètes. Joyeux anniversaire, bobo. Écoute, on me dit souvent que t'es hyper calé en Trivial Poursuit, en histoire, tout ça. Si tu connais vraiment tout, tu me donneras le nombre de paix que j'ai fait pendant le confinement parce que c'est historique, ça. Bisous. Happy birthday to you, happy birthday to birthday, happy birthday to you, François. Joyeux anniversaire, François. Grosse bise. Mes chers compatriotes, nous sommes réunis en ce jour pour fêter l'anniversaire de mon cher frère, Francisco. De la Vega. Un très joyeux anniversaire à toi, mon petit monsieur Blue Baby, mon ami, mon amour, mon amant. We'll be right back. te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On est 26 ans. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On est 26 ans. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. Pour tes 26 ans. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. Pour tes 26 ans. Allez, 13 mai suivant. Chloard, ma douce Chloard. Aujourd'hui, je suis super contente. Ce sont vos 29 ans. Joyeux anniversaire en ce déconfinement. Chloard, si aujourd'hui vous deviez gagner un César, ce serait celui du comique de répétition, avec des blagues à base de noms propres. J'ai un coup de Raymond Barre, je vous laisse, j'ai la Béatrice Dalle, ou encore, t'es vraiment qu'une Charles petite traînée. Si j'avais un conseil, n'arrêtez jamais. N'y allons pas d'Armons et Parvaux, il est Julien Clerc que ce sont mes blagues préférées. Et ce serait de la liane folie d'écouter vos amis qui vous disent de stopper. Allez quoi, ne le prenez pas le mad. Stop au Chloé Bachung. Elle est intelligente, cette dame. J'ai hâte de pouvoir reprendre des activités citoyennes avec vous, telles qu'aller boire un verre en terrasse. Je vous embrasse. Ceci est un message commercial de la société de production des pâtés Léo et Léa à l'adresse de Chloé Soulard. Bonjour Chloé. Merci de votre fidélité pour les pâtés Léo et Léa. Grâce à vous et votre engouement pour notre marque, nos pâtés sont toujours à l'intérieur des lunchs du CCGPF. Nous vous en remercions. De plus, grâce à tout ce que vous avez fait pour notre marque, les pâtés Léo et Léa sont aujourd'hui remplis d'amour et de bonheur, tournés vers l'avenir. Et nous vous en remercions énormément. Pour cela, nous souhaitons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Chloé Soulard, et merci encore. Joyeux anniversaire, Chloé Soulard. Merci du fond du cœur. Salut Chloé, c'est Loyo. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Chroniqueuse matinale et maintenant présidente de cérémonie, plus rien ne t'arrête, on dirait. Enfin, si, la limite des 100 km qui t'empêche de te rendre à Lyon. LOL. Allez, je te souhaite encore un très joyeux anniversaire et je te fais plein de bisous. Loyo. À notre doyenne, à notre douce Chloé Soulard, je souhaite le meilleur des bons joyeux. Soit dit en passant, bravo pour votre forcing réussi. Votre date d'anniversaire est désormais gravée dans ma tête à tout jamais. Je vous souhaite des brunchs et des bains, des carnavals et des DVD, des partis pris artistiques et du Marc Ruffalo 2014. Et puis des loups-garous et des envolées lyriques à la Soularde. Ousp, j'ai encore fait une liste. Pardon, mais c'est comme ça que je souhaite les anniversaires par chez moi. En tout cas, Madame Chloé, je vous aime d'amour. Suivant ! Hi, this is Sharon Needles. I'm here to wish a very, very, very creepy birthday to my favorite fan, Chloé Soulard. Coucou Chloé, ma belle-sœur que j'aime, je te souhaite un très bon anniversaire, gros bisous. Coucou Chloé. Alors, à ce qui paraît, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors là, moi je tombe sur le cul, parce que clairement, je pense que t'étais la dernière personne pour qui ça aurait pu être son anniversaire dans ma tête. J'aurais jamais cru. Donc bah, je te souhaite un très bon anniversaire. Et puis aussi, je voulais te dire que je te remercierai jamais assez d'avoir essayé de vendre le cul de ta sœur quand t'étais au lycée. Parce que sinon, j'aurais jamais rencontré cette bande d'amis. Merci beaucoup. Les bisous. Hi, it's Alaska. Today it's Chloe Sula's birthday, and I decided to make a message. So, happy birthday, Chloe Sula. Bye. Salut Chloé, c'est ton anniversaire. Ça m'étonnerait que tu oublies, étant donné que tu le répètes à peu près tous les jours entre le 13 mai et le 13 mai. Mais bon, c'est pas moi qui vais t'en vouloir pour ça. Donc, joyeux anniversaire. T'as de la chance, on est déconfinés, on va pouvoir fêter ça dignement tous ensemble et faire une vraie cérémonie d'anniversaire comme tu les aimes. Je te fais plein de bisous. À bientôt, mon petit Chloé. Joyeux anniversaire à ma douce amie, ma belle amie, mon amie des étoiles, mon amie de la lune, ma douce et tendre Chloé. Il paraît qu'aujourd'hui, les étoiles ne parlent que de toi en cette très belle journée. Et oui, petite Chloé, je parle de toi, avec ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses que l'on retrouvera peut-être dans ma boutique de fleurs. Doubissou. Bonjour Chloé, et bon anniversaire, car nous sommes le 13 mai, bien sûr. Alors je suppose que tu es au courant que tu partages le même jour d'anniversaire qu'Alphonse Daudet, Grégory Lemarchal ou Stevie Wonder. Mais aussi, c'est le jour anniversaire de la tentative d'assassinat sur le pape en 1981. De plus, tu partages ce jour anniversaire avec le jour où étudiants et ouvriers ont manifesté à Paris pour la première fois. Donc c'était le 13 mai 1968, bien sûr. Donc je te fais plein de grosses bises pour ce merveilleux jour. Et surtout, un grand merci de nous avoir permis à Dominique et à moi, tous les matins, de passer un très bon moment en ta compagnie. Voilà, donc je te souhaite un très bon anniversaire. Gros bisous et à très bientôt. Bonjour, joyeux anniversaire, Chloé ! Un très bon anniversaire à toi, Chloé. Et pour ce jour si particulier, quelque chose de très spécial, tout de suite, les poules. On est là pour quoi ? On est là pour qui ? Dans les magasins ? Mais non, bien sûr que non, j'allais pas faire ça. C'est bien. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend ? Ma douce Chloé, je te souhaite un très heureux anniversaire. Tu es la plus belle des vieilles personnes. J'ai hâte de te voir et que l'on mette au point certaines techniques pour apprendre à Gianni les bases du féminisme. Je t'embrasse et je t'aime. Gros bisous. Bonsoir ma Chloé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Continuez de nous enivrer avec votre douceur et votre joie de vivre. Je vous fais de gros bisous. Toc toc toc. Qui c'est ? C'est Richard. Richard qui ? Richard Berry qui vient de chier une grosse merde sur ta gueule. Bon anniversaire, Chloé. Ma sœur, bon anniversaire, Chloé. Un abrazo desde México. Chloé, je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est fou parce que j'ai failli oublier que c'était ton anniversaire le 13 mai. C'est bizarre. D'habitude, j'oublie pas les anniversaires, mais là, faut croire qu'on me l'a pas assez dit. Eh ben, Chloé, bah, j'ai envie de te dire... Attends. On s'est pas trompé quelque part là ? Non, parce que 39, ça me paraît beaucoup en vrai. Je sais qu'elle ne le fait pas, mais bon, quand même. Quelqu'un peut vérifier ? Alors effectivement, c'est 29 ans et pas 39 ans. Elle est née le 13 mai 1991. Bah, ça m'a pas choqué, moi. Ta gueule, toi. Tu vas nous attirer des problèmes. Bon, allez, on recommence. On te souhaite tous un joyeux anniversaire. François, Chloé, restez encore un petit peu, s'il vous plaît. Ceci est une reprise de Pierre Groscola. Bobo mon bobo, bobo mon bobo mon bobo. Bobo mon bobo mon bobo. Je chante pour toi aujourd'hui. Bobo mon bobo, bobo mon bobo mon bobo. Bobo mon bobo mon bobo. Pour le plus beau des amis. 26 ans que ta mère t'a mis au monde. Et depuis chaque seconde, tu n'as pas cessé de nous étonner. Marinière et crinière aux cheveux longs, certains disent que t'as une tête de con. Laissons-les rager et allons fêter ton anniversaire. Bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo, bobo. Je chante pour toi aujourd'hui. Bobo, mon bobo, bobo, mon bobo, mon bobo, bobo, mon bobo, mon bobo. Pour le plus beau des amis. Gourgandin, pour beaucoup tu restes un mystère. Quand tu t'endors de toutes les manières, puis tu ouvres les yeux, pour nous c'est un jeu. Avec Kenza, vous vous faites appeler Kenzo. Et c'est chaud de trouver une rime en or. Alors je trichais et on va fêter ton anniversaire. Bobo mon bobo, bobo mon bobo mon bobo. Bobo mon bobo mon bobo. Je chante pour toi aujourd'hui. Bobo mon bobo, bobo mon bobo mon bobo. Bobo mon bobo mon bobo. Pour le plus beau des amis. Bobo mon bobo. J'ai encore rêvé d'elle. En même temps, elle a tout fait pour ça. Des jours qu'elle martèle, de sorte que l'on n'oublie pas. Message subtil, à peine pénible. Pendant chaque matinale, aussi souvent que les fresques sociales. Des semaines que ça hante mes nuits. Mais bon, maintenant tout est fini. Joyeux anniversaire, Chloé. Voilà, c'est fait. Maintenant tu vas pouvoir stopper. J'en ai marre de ça. Je veux juste qu'on fasse toi ton anniversaire. Au cinéma, et puis l'an prochain, ça commencera. J'ai encore rêvé d'elle, oui, moi aussi. Elle a tout fait pour ça. Ça, tu l'as dit. Des jours qu'elle le martèle, genre bam bam bam. Que l'on n'oublie pas, n'est-ce pas, Kenza? Message subtil, à peine pénible. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux Chloé. Fais-toi, Chloé, ton anime, tout ce cinéma. Et puis joyeux anniversaire, Chloé. Qu'est-ce qui voilà a pris de fait chanter ça? Ce cinéma et puis l'an prochain ça recommencera. Depuis deux mois, la France est frappée par l'épidémie du Covid-19, une maladie contagieuse qui a déjà touché plus de 140 000 Français. Depuis le 16 mars 2020, les Français doivent rester chez eux afin d'éviter la propagation du virus. De nombreuses initiatives apparaissent sur les réseaux sociaux pour passer le temps, comme celle d'une jeune agenaise, Ophélie Soulard, qui décide de monter une web radio sur l'Internet afin de rester en contact avec ses amis. Violence et polémique sur Radio Boncon, c'est le sujet de notre émission. Bonjour à tous. Au programme de notre émission aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux personnages marquants de l'histoire de Radio Boncon. Le premier s'appelle Roux Patrice. Il est apparu sur Internet dans la nuit du 25 avril 2020. Notre équipe a mené l'enquête pour en savoir un peu plus sur ce personnage paradoxal. Les auditeurs de Radio Boncon utilisent la plateforme Discord afin de communiquer pendant les émissions. Ce site conçu initialement pour les communautés de joueurs et parfois utilisé par les djihadistes va devenir un espace de conflit. En effet, c'est à la surprise de tous que l'utilisateur sous l'anonymat du pseudonyme Rue Patrice rejoint le chat. Je vous avoue qu'au début on était tranquille sur Discord et là... On voit un mec qui débarque, il commence à vanner Richard Berry, il commence à vanner Christophe Maé. Puis c'était des jeux de mots bien trop fins pour être ceux d'un bon con, quoi. On était choqués, on comprenait pas ce qui se passait, quoi. On se sentait observé tout le temps, toutes les chroniques par le roi du calembour, un vrai sniper qui ne ratait personne. Du coup, voilà, le Discord, c'est devenu un peu un octogone où le seul but était de vaincre Rue Patrice. Les auditeurs sont bouleversés, mais ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. C'est avec l'aide d'un complice que la présentatrice du Point PT réussira à interviewer Roux Patrice. Je suis maintenant en ligne avec quelqu'un qui est assez mystérieux, mais on a réussi à avoir son numéro de téléphone et je remercie les personnes qui m'ont aidé, hein, bien sûr, à obtenir ce numéro. Nous sommes en ligne avec Roux Patrice. Bonjour, Roux Patrice. Hello, guys. Sorry, capitaine, c'est Roux Patrice. Alors que l'interview de Roux Patrice était bien partie, le fauteur de troubles va se mettre à insulter la présentatrice. Oh, vous êtes pas très sympa. Hein. Mais c'est vous qui êtes pas très sympa. Pas de couilles. Mais qu'est-ce que tu veux, je casse, t'as pas de couilles. Ta gueule, Roux Patrice. Roux Patrice, mais c'est vous qui savez plus quoi dire, non mais oh. Monsieur Roux Patrice, c'est vous qui êtes mon invité. Les auditeurs de Radio Boncon ne sont pas dupes. Ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. Sous ce pseudo se cache en réalité François Boret, un Nantais de 26 ans, passionné de latin et de smoothie. Le mec il s'est mis une pince à linge sur le nez et moi direct la première image que j'ai eue c'est une marinière qui pendait que d'un côté quoi. Un ami de la famille a accepté de répondre à nos questions. Écoutez, nous on s'est jamais douté de rien. Quand on a appris que François était Rue Patrice, on est tombé de très très haut, vraiment. Rien n'avait laissé penser que c'était lui. Hein. Il est toujours si poli, toujours à dire bonjour aux voisins, à laisser sa place dans le bus, toujours à vous proposer un verre de smoothie, quoi. Après voilà, en y repensant, à chaque point con, bizarrement, il allait aux toilettes quand Rue Patrice apparaissait, un peu comme Batman qui vous avait jamais vraiment vu dans la même pièce que Bruce Wayne. Ou toujours, sinon, à l'autre bout de la table, il prétextait regarder son téléphone pour des traductions en latin. Après, ouais, voilà, il était toujours un petit peu fébrile aussi à l'arrivée d'un point conf. Il relisait les tomes 1 et 2 des aventures de Bigard. Vous savez, comme un étudiant à l'arrivée d'un examen, on sentait qu'il réfléchissait, qu'il apprenait. Puis voilà, il m'avait déjà aussi confié qu'il aimait bien être une autre personne. Il voulait parfois que je l'appelle Francisco il Boboretto. J'ignore ce que ça veut dire, mais si ça lui faisait plaisir, écoutez, moi ça me faisait plaisir. Puis en y repensant, je le vois aussi prendre des notes pendant les épisodes de 90 minutes enquête. Comment ne pas attirer l'attention, comment ne pas se faire prendre par les forces de l'ordre. Quel choc. Alors que Radio Boncon s'apprête à s'éteindre, certains auditeurs garderont toujours le souvenir de Roux Patrice. Ouais, ouais, bien sûr que je me souviens de Roux Patrice. Je pense que un peu comme tout le monde, au début, on a été... On l'a idolâtré, en fait, ce Roux Patrice. On attendait toujours sa petite question, son petit mot pour déconner, quoi. Ah, putain. Mais, comme tout le monde, du coup, je suis tombé dans le panneau, et puis maintenant, c'est... Pardon. C'est dur, mais... Je suis en train de me reconstruire, quoi. Petit à petit, pour laisser Roux Patrice derrière moi. Et même si je sais qu'il fera toujours partie de moi, que Roux Patrice sera toujours présent, je... C'est une blessure que peut-être je garderai toute ma vie, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que je vais... apaiser cet épisode de ma vie, cet épisode de Roux Patrice dans ma vie qui a été aussi important. Qu'on aime ou qu'on déteste Roux Patrice, il est sûr qu'il restera dans les mémoires des auditeurs. Une autre affaire qui a marqué l'histoire de la radio des Boncons, c'est l'affaire de Chloé Soulard. Une jeune réceptionniste de 29 ans s'est essayée à l'exercice de la radio. Pendant presque 2 mois, la jeune femme, accompagnée de 2 autres personnes, va animer la matinale. Elle ne se doutait pas que l'équipe se retournerait contre elle. Pour moi, c'est clair. Il y a eu un avant et un après 20 avril. Un fidèle auditeur, sous couvert d'anonymat, nous raconte. C'est vrai que Chloé s'est fait un peu bâcher à chaque émission à partir du moment où il y a eu 3 animateurs sur la matinale, parce que les 2 autres ont eu tendance à se liquer contre elle. Et ça, c'est risqué quand on présente une émission à 3. Et puis Chloé avait tendance à chercher aussi, ça la faisait rire. En tout cas, ça restait léger et bon enfant. Et puis il y a eu cette fameuse matinale du 20 avril. En effet, cette émission du 20 avril représente les prémices du Chloé bashing. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment, le problème, c'est que soit vous vous défendez corps et âme en disant que vous n'avez pas fumé, ce qui est vrai, soit vous sauvez la peau, sauvez la face en disant que oui, vous avez fumé, et les gens seront peut-être plus compréhensifs envers vous. Écoutez, est-ce qu'on fait le film ? Bah, je sais pas, j'aime bien vous laisser un peu dans votre merde là pour l'instant, parce que c'est vrai. Vous êtes vraiment des bâtards. Pourquoi une telle violence envers l'animatrice ? Et quel a été l'élément déclencheur de ce bashing ? Notre auditeur anonyme a analysé la situation. Jusqu'ici, malgré les taquineries, Chloé avait su rester professionnelle. Mais ce jour-là, elle était d'ailleurs, comme distraite. Et ça, ses co-animateurs l'ont bien senti. Ils n'ont rien laissé passer. Tout le monde s'est acharné. Sur le Discord aussi, ça a été terrible. J'en ai vu des bashings. Mais là, franchement, ça faisait pitié. Ça n'a fait que la déstabiliser davantage et elle a perdu tous ses moyens. Au lieu de se confronter à toutes ces attaques frontalement, elle est restée évasive et ça n'a fait qu'agiter ses détracteurs. Ils l'ont acculée, poussée dans ses retranchements. Elle n'a été sauvée que par la fin de l'émission, mais ça n'a pas été la fin de cette histoire. Depuis ce jour-là, le fragile équilibre de l'équipe de la matinale a été rompu. Les rapports de force ont changé. Et Chloé n'a plus jamais été la même. Bien sûr, elle a essayé de faire bonne figure, et c'est tout à son honneur, mais... Personne n'est dupe, à part peut-être Louyo. C'est terrible, vraiment terrible. En même temps, c'est ce qui se passe quand on fait l'erreur de mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Ça pardonne pas. Encore moins quand on est une personnalité publique et qu'on est en direct. Moi, ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est que le vrai responsable de ce cachet, la personne qui l'a distraite ce jour-là, ben, elle est restée dans l'ombre. Elle l'a laissé payer les pots cassés toute seule. Elle est courageuse, Chloé. Y a pas à dire. Notre équipe a essayé de rencontrer les co-animateurs de Chloé Soulard, mais ils ont tous refusé de répondre à nos questions. Non, je ne souhaite pas m'exprimer à propos du Chloé bashing. Laissez-moi maintenant. Pourquoi un tel tabou autour de l'épisode du Chloé bashing? Et qui est cette mystérieuse personne à l'origine de cette crise? Le mystère reste entier. Mesdames, messieurs, c'était le dernier anniversaire! La la la la!